Edgar Allan Poe, Le Corbeau. Une fois, par un minuit lugubre, tandis que je m'apesantissais, faible et fatigué, sur maintes curieux et bizarre volume de savoir oublier. Tandis que je dodelinais la tête, somnolent, presque soudain se fit un heurt, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. Cela seul et rien de plus. Indistinctement, je me souviens que c'était en le glacial décembre, et chaque tison mourant, isolé, ouvrageait son spectre sur le sol. Adamant, je souhaitais le jour, vainement, j'avais cherché d'emprunter à mes lyres un sursis au chagrin. L'Alénor perdu de la rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Lénore, de nom pour elle ici non jamais plus. Et de la soie l'incertain et triste bruissement, chaque rideau purpural me traversait, m'emplissait de fantastiques terreurs, pas senti encore, si bien que pour calmer le battement de mon cœur, je demeurais maintenant à répéter ces quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre. Quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre. C'est cela et rien. Et n'hésitant davantage, monsieur, dis-je ou madame, j'implore véritablement votre pardon, mais le fait que je somnolais et vous vint si doucement frapper et si faiblement vous vint heurter à la porte de ma chambre, que j'étais à peine sûr de vous avoir entendu. Ici j'ouvris grande la porte, les ténèbres et rien de plus. Dans l'ombre regardant, je me tins longtemps à douter, m'étonner, craindre, à rêver des rêves qu'aucun mortel n'avait osé rêver encore, mais le silence ne se rompit point. Et le seul mot qui se dit fut le mot chuchoté Lénore. Je le chuchotais